La question n'est pas de savoir où l'on va, mais de savoir si l'on est bien placé. Les panneaux bleus précisent les directions associées aux voies que les flèches indiquent. Les deux voies de gauche vont vers Grenoble, Chambéry, Lyon. Je ne suis pas bien placé, j'aurais dû changer de voie avant pour aller à Grenoble. Les deux voies de droite sont faites pour les directions de Milan, Annecy, Genève. Mais quand il y a deux voies, il faut utiliser la voie la plus à droite, surtout quand on n'a personne à dépasser. Je ne suis donc pas bien placé pour aller à Genève. Réponse B et D.